Chapitre 16 Médiums spéciaux. Aptitudes spéciales des médiums. Tableau synoptique des différentes variétés de médiums. 185. Outre les catégories de médiums que nous venons d'énumérer, la médiumnité présente une variété infinie de nuances qui constituent ce qu'on appelle les médiums spéciaux et qui tiennent à des aptitudes particulières non encore définies. Abstraction faite des qualités et des connaissances de l'esprit qui se manifestent. La nature des communications est toujours relative à la nature de l'esprit et porte le cachet de son élévation ou de son infériorité, de son savoir ou de son ignorance, mais à mérite égal. Au point de vue hiérarchique, il y a incontestablement chez lui une propension à s'occuper d'une chose plutôt que d'une autre. Les esprits frappeurs, par exemple, ne sortent guère des manifestations physiques. Et parmi ceux qui donnent des manifestations intelligentes, il y a des esprits poètes, musiciens, dessinateurs, moralistes, savants, médecins, etc. Nous parlons des esprits d'un ordre moyen, car, arrivés à un certain degré, les aptitudes se confondent dans l'unité de la perfection. Mais, à côté de l'aptitude de l'esprit, il y a celle du médium qui est pour lui un instrument plus ou moins commode, plus ou moins flexible, et dans lequel il découvre des qualités particulières que nous ne pouvons apprécier. Prenons une comparaison. Un musicien très habile a sous la main plusieurs violons qui, pour le vulgaire, seront tous de bons instruments, mais entre lesquels l'artiste consommer fait une grande différence. Il y saisit des nuances d'une extrême délicatesse qui lui feront choisir les uns et rejeter les autres, nuances qu'il comprend par intuition plutôt qu'il ne peut les définir. Il en est de même à l'égard des médiums. À qualité égale, dans les puissances médianémiques, l'esprit donnera la préférence à l'un ou à l'autre selon le genre de communication qu'il veut faire. Ainsi, par exemple, on voit des personnes écrire comme médium d'admirable poésie, quoique, dans les conditions ordinaires, elle n'ait jamais pu ou su faire deux vers. D'autres, au contraire, qui sont poètes et qui, comme médium, n'ont jamais pu écrire que des proses, malgré leur désir. Il en est de même du dessin, de la musique, etc. Il y en a qui, sans avoir par eux-mêmes des connaissances scientifiques, ont une aptitude plus particulière pour recevoir des communications savantes. D'autres sont pour les études historiques, d'autres servent plus aisément d'interprètes aux esprits moralistes. En un mot, quelle que soit la flexibilité du médium, les communications qu'il reçoit avec le plus de facilité ont généralement un cachet spécial. Il en est même qui ne sortent pas d'un certain cercle d'idées, et quand ils s'en écartent, ils n'ont que des communications incomplètes, laconiques et souvent fausses. En dehors des causes d'aptitude, les esprits se communiquent encore plus ou moins volontiers par tel ou tel intermédiaire, selon leur sympathie. Ainsi, toute chose égale d'ailleurs, le même esprit sera beaucoup plus explicite avec certains médiums uniquement parce qu'ils lui conviennent mieux. 186. On serait donc dans l'erreur si, par cela seul qu'on a sous la main un bon médium, eût-il, même l'écriture la plus facile, on pensait obtenir par lui de bonnes communications en tout genre. La première condition est sans contredit de s'assurer de la source d'où elle émane, c'est-à-dire des qualités de l'esprit qui les transmet. Mais il n'est pas moins nécessaire d'avoir égard aux qualités de l'instrument que l'on donne à l'esprit. Il faut donc étudier la nature du médium comme on étudie la nature de l'esprit, car ce sont là les deux éléments essentiels pour obtenir un résultat satisfaisant. Il en est un troisième qui joue un rôle également important. C'est l'intention, la pensée intime, le sentiment plus ou moins louable de celui qui interroge. Et cela se conçoit. Pour qu'une communication soit bonne, il faut qu'elle émane d'un esprit bon. Pour que ce bon esprit puisse la transmettre, il lui faut un bon instrument. Pour qu'il veuille la transmettre, Il faut que le but lui convienne. L'esprit qui lit dans la pensée juge si la question qu'on lui propose mérite une réponse sérieuse. Et si la personne qui la lui adresse est digne de la recevoir. Dans le cas contraire, il ne perd pas son temps à semer de bons grains sur des pierres. Et c'est alors que les esprits légers et moqueurs se donnent carrière, parce que, s'inquiétant peu de la vérité, ils n'y regardent pas de si près, et sont généralement assez peu scrupuleux sur le but et sur les moyens. Nous résumons ici les principaux genres de médiumnité afin d'en présenter, en quelque sorte, le tableau synoptique, comprenant ceux que nous avons déjà décrits dans les chapitres précédents, en indiquant les numéros où il en est question avec plus de détails. Nous avons groupé les différentes variétés de médiums par analogie de cause et d'effet, sans que cette classification ait rien d'absolu. Quelques-unes se rencontrent fréquemment. D'autres, au contraire, sont rares et même exceptionnelles, ce que nous avons eu soin de mentionner. Ces dernières indications ont toutes été fournies par les esprits qui, du reste, ont revu ce tableau avec un soin tout particulier et l'ont complété par de nombreuses observations et de nouvelles catégories, de telle sorte qu'il est, pour ainsi dire, entièrement leur ouvrage. Nous avons indiqué par des guillemets leurs observations textuelles lorsque nous avons cru devoir les faire ressortir. Elles sont pour la plupart d'Éraste et de Socrate. 187. On peut diviser les médiums en deux grandes catégories. 1. Les médiums à effet physique, ceux qui ont le pouvoir de provoquer des effets matériels ou des manifestations ostensibles, voir le numéro 160. 2. Les médiums à effet intellectuel, ceux qui sont plus spécialement propres à recevoir et à transmettre les communications intelligentes, numéro 65 et suivant. Toutes les autres variétés se rattachent plus ou moins directement à l'une ou à l'autre de ces deux catégories. Quelques-unes tiennent aux deux. Si l'on analyse les différents phénomènes produits sous l'influence médianimique, on verra que, dans tout, il y a un effet physique et qu'aux effets physiques se joint le plus souvent un effet intelligent. La limite entre les deux est quelquefois difficile à établir. Mais cela ne tire à aucune conséquence. Nous comprenons, sous la dénomination de médium à effet intellectuel, ceux qui peuvent plus spécialement servir d'intermédiaire pour les communications régulières et suivies. Voir le numéro 133. 188. Variété commune à tous les genres de médiumnité. Médium sensitif. Personne susceptible de ressentir la présence des esprits par une impression générale ou locale, vague ou matérielle. La plupart distinguent les esprits bons ou mauvais à la nature de l'impression. Numéro 164. Les médiums délicats et très sensitifs doivent s'abstenir des communications avec les esprits violents ou dont l'impression est pénible à cause de la fatigue qui en résulte. Médium naturel ou inconscient, ceux qui produisent les phénomènes spontanément, sans aucune participation de leur volonté et le plus souvent à leur insu. C'est le numéro 161. Médium facultatif ou volontaire, ceux qui ont la puissance de provoquer les phénomènes par un acte de leur volonté. Voir le numéro 160. Quelle que soit cette volonté, ils ne peuvent rien si les esprits s'y refusent, ce qui prouve l'intervention d'une puissance étrangère. 189. Variété spéciale pour les effets physiques. Médium tipteur. Ceux par l'influence desquels se produisent les bruits et les coups frappés. Variété très commune, avec ou sans la volonté. Médium moteur. Ceux qui produisent le mouvement des corps inertes, très commun, voir le numéro 61. Médium à translation et à suspension, ceux qui produisent la translation aérienne et la suspension des corps inertes dans l'espace sans point d'appui. Il en est qui peuvent s'élever eux-mêmes, plus ou moins rare, selon le développement du phénomène, très rare dans le dernier cas, voire du numéro 75 et suivant et le numéro 80. Médium à effets musicaux. Il provoque le jeu de certains instruments sans contact. Très rare. Voir le numéro 74, question 24. Médium à apparition. Ceux qui peuvent provoquer les apparitions fluidiques ou tangibles, visibles pour les assistants. Très exceptionnel. Numéro 100, question 27, numéro 104. Médium à apport. Ceux qui peuvent servir d'auxiliaire aux esprits pour l'apport d'objets matériels. Variété des médiums moteurs et à translation. Exceptionnel. Numéro 96. Médium nocturne. Ceux qui n'obtiennent certains effets physiques que dans l'obscurité. Voici la réponse d'un esprit à la question de savoir si l'on peut considérer ces médiums comme formant une variété. Réponse. On peut certainement en faire une spécialité, mais ce phénomène tient plutôt à des conditions ambiantes qu'à la nature du médium ou des esprits. Je dois ajouter que quelques-uns échappent à cette influence du milieu, et que la plupart des médiums nocturnes pourraient arriver, par l'exercice, à agir aussi bien à la lumière que dans l'obscurité. Cette variété de médiums est peu nombreuse. Et, il faut bien le dire, à la faveur de cette condition qui laisse toute liberté dans l'emploi des trucs, de la ventriloquie et des tuyaux acoustiques, des charlatans ont trop souvent abusé de la crédulité en se faisant passer pour médiums afin de récolter des écus. Mais qu'importe, les jongleurs en chambre, comme les jongleurs de place publique, seront cruellement démasqués et les esprits leur prouveront qu'il ne fait pas bon s'immiscer dans leurs œuvres. Oui, je le répète, certains charlatans recevront sur les doigts d'une façon assez rude pour les dégoûter du métier de faux médium. Du reste, tout cela n'aura qu'un temps. Signé Éraste. Médium pneumatographe. Ceux qui obtiennent l'écriture directe, phénomène très rare et surtout très facile à imiter par la jonglerie, voir le numéro 177. Remarque. Les esprits ont insisté, contre notre opinion, pour placer l'écriture directe parmi les phénomènes de l'ordre physique. Par la raison, ont-ils dit, que les effets intelligents sont ceux pour lesquels l'esprit se sert des matériaux cérébraux du médium, ce qui n'est pas le cas dans l'écriture directe. L'action du médium est ici toute matérielle, tandis que chez le médium écrivain, même complètement mécanique, le cerveau joue toujours un rôle actif. Médium guérisseur. Ceux qui ont le pouvoir de guérir ou de soulager par l'imposition des mains ou la prière. Cette faculté n'est pas essentiellement médianémique. Elle appartient à tous les vrais croyants, qu'ils soient médiums ou non. Elle n'est souvent qu'une exaltation de la puissance magnétique fortifiée, en cas de besoin, par le concours de bons esprits. Numéro 175. Médium excitateur. Personnes qui ont le pouvoir de développer chez les autres, par leur influence, la faculté d'écrire. C'est plutôt ici un effet magnétique qu'un fait de médiumnité proprement dite, car rien ne prouve l'intervention d'un esprit. Dans tous les cas, il appartient à l'ordre des effets physiques. Voir le chapitre de la formation des médiums. 190. Médiums spéciaux pour les effets intellectuels, aptitudes diverses. Médium auditif. Ceux qui entendent les esprits assez communs. Voir numéro 165. Il y en a beaucoup qui se figurent entendre ce qui n'est que dans leur imagination. Médium parlant. Ceux qui parlent sous l'influence des esprits. Assez communs. Voir numéro 166. Médium voyant. Ceux qui voient les esprits à l'état de veille. La vue accidentelle et fortuite d'un esprit dans une circonstance particulière est assez fréquente. Mais la vue habituelle ou facultative des esprits sans distinction est exceptionnelle. Voir le numéro 167. C'est une aptitude à laquelle s'oppose l'état actuel des organes. C'est pourquoi il est utile de ne pas toujours croire sur parole ceux qui disent voir les esprits. Médium inspiré. Ceux auxquels des pensées sont suggérées par les esprits, le plus souvent à leur insu, soit pour les actes ordinaires de la vie, soit pour les grands travaux de l'intelligence. Voir le numéro 182. Médium à pressentiment. Personnes qui, dans certaines circonstances, ont une vague intuition des choses futures, vulgaires. Voir le numéro 184. Médium prophétique. Variété des médiums inspirés ou à pressentiment. Ils reçoivent, avec la permission de Dieu et avec plus de précision que les médiums à pressentiment, la révélation des choses futures d'un intérêt général, et qu'ils sont chargés de faire connaître aux hommes pour leur instruction. S'il y a de vrais prophètes, il y en a plus encore de faux, et qui prennent les rêves de leur imagination pour des révélations, quand ce ne sont pas des fourbes qui se font passer pour tels par ambition. Entre parenthèses, voir au livre des esprits, numéro 624, caractère du vrai prophète. Fermez la parenthèse. Médium somnambule. Ceux qui, dans l'état de somnambulisme, sont assistés par des esprits. Voir le numéro 172. Médium extatique. Ceux qui, dans l'état d'extase, reçoivent des révélations de la part des esprits. Beaucoup d'extatiques sont le jouet de leur propre imagination et des esprits trompeurs qui profitent de leur exaltation. Ceux qui méritent une entière confiance sont très rares. Médium peintre et dessinateur. Ceux qui peignent ou dessinent sous l'influence des esprits. Nous parlons de ceux qui obtiennent des choses sérieuses, car on ne saurait donner ce nom à certains médiums auxquels des esprits moqueurs font faire des choses grotesques que désavouerait le dernier écolier. Les esprits légers sont imitateurs. À l'époque où parurent les remarquables dessins de Jupiter, il surgit un grand nombre de prétendus médiums dessinateurs auxquels des esprits moqueurs s'amusèrent à faire les choses les plus ridicules. L'un d'eux, entre autres, voulant éclipser les dessins de Jupiter, au moins par la dimension, si ce n'est par la qualité, il fait dessiner à un médium un monument occupant un assez grand nombre de feuilles pour atteindre la hauteur de deux étages. Beaucoup d'autres firent faire de soi-disant portraits qui étaient de véritables caricatures. Voir la revue Spirit d'août 1858. Médium musicien. Ceux qui exécutent, composent ou écrivent de la musique sous l'influence des esprits. Il y a des médiums musiciens mécaniques, semi-mécaniques, intuitifs et inspirés, comme pour les communications littéraires. Entre parenthèses, voir médium à effets musicaux. Fermez la parenthèse.